s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis, deviens cigale. Par son retour, pour tous les silences qui nous tournent autour, j'ai la bonne solution. Simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le comme aujourd'hui dans notre équipe, qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo 107 FM. Merci d'être sur nos ondes et merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radioguémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h. Bonjour la Suisse, la Belgique et l'Italie. Un petit coucou au fan club des Années Bonheur. Donc vous êtes avec Gilou dans les Années Bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en live dans nos studios un artiste de Paris, Lonnie Warner, accompagné de quelques fans qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui nous ont rejoints. Avant de retrouver Lonnie et de vous présenter nos amis, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio, Radio Guémozo, et sur la page Gilles Mougel officielle. Je fais des bisous à ma petite équipe. Bien sûr, tous ces messages, je les transmettrai en direct à mon invité. Et je vous attends bien sûr au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou à l'antenne. Et bien sûr, pour interagir avec notre artiste que je retrouve maintenant. Bonjour Lonnie. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Très très bien, impeccable, un temps magnifique dans les Vosges. C'est vrai, il fait bon dans les Vosges en ce moment. Ils avaient annoncé de la pluie, mais on a un grand soleil, je vois ça, donc ouais. Non, c'est un vrai bonheur. Et quoi qu'aujourd'hui, ça semble se gâter un petit peu, il y a du vent. Non mais ça... Mais bon, voilà. Non, ça va aller. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors ben, j'ai le plaisir d'être en studio, voilà Lonnie qui est avec moi, et puis donc deux dames qui sont avec nous, ça fait plaisir. D'habitude, je dis toujours, je ne suis pas tout seul, mais bon, voilà. Nous sommes accompagnés, c'est bien, voilà. Alors, vous appelez comment? Carole, alors bonjour Carole, et puis Anne-Michel. Et puis Anne-Michel. Anne-Michel et Carole, soyez les bienvenus dans le studio avec nous, voilà. Alors, Miremont, vous venez de quelle région? Alors, on vient de Saint-Avold. Saint-Avold-d'Agost, c'est si en Moselle. Vous voyez à peu près. C'est en Moselle, ça, non? Oui. Ah, c'est en Moselle, d'accord, oui. Il y a Metz, Saint-Avold. D'accord. Et puis, il y a la Belgique aussi. Moi. Ah, la Belgique. D'accord, en Belgique. Ça, c'est bien, ça. Les Belges, c'est ils sont beau, sympas. Ça, hein. Ah, c'est beau, ça. C'est beau. Hein. Ils sont sympas, les Belges, moi, je dis toujours. J'ai eu l'occasion de m'y rendre là-bas, en Belgique. C'est vrai que les gens sont. Accueillants. Sont très accueillants, voilà, tout à fait. C'est vrai que. Alors Loni, ben moi je voudrais te remercier, te dire un grand merci d'avoir fait le voyage et de venir jusqu'à nous, hein, dans nos studios. C'est moi qui vous remercie, et puis ben, j'ai une pensée tout particulière à Aline Massé, où c'est grâce à elle aussi c'est vrai. Je suis là aujourd'hui. qui nous a mis en contact. Lequel elle m'a contacté, elle m'a demandé, et c'est avec le plus grand plaisir, donc je lui passe un petit coucou. Bonjour au Canada. Au Canada, voilà, au Québec, voilà, donc ben, elle m'avait demandé aussi de faire un coucou, voilà, depuis sa belle province, là-bas, le Québec, hein, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Alors, de la Moselle, c'est bien, de la Belgique, voilà, bon, je sais pas, on aura peut-être d'autres personnes qui viendront tout à l'heure. J'avais aussi lancé une invitation, moi, sur la publication, bien sûr. Alors, Loni, donc, musicien, auteur-compositeur, interprète, bien sûr, voilà, et la musique depuis le plus jeune âge, hein, je vois. Oui, depuis le plus... Oui, même on peut le dire, dans le ventre de ma mère, déjà, la musique, c'était quelque chose qui me plaisait. Ah, oui. Un peu moins à elle, mais à moi. Mais oui, non, ça a toujours été une passion, et comme j'ai toujours dit, c'est... Pour moi, la musique, c'est quelque chose... Je peux pas m'en passer. Oui. Si pendant une semaine, j'ai pas la musique, c'est pas ma vie. C'est pas la vie, bien sûr. Donc voilà, c'est... C'est une passion avant tout. Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur une passion, mais qui prend des proportions un petit peu différentes, oui. Mais qui est tout autant en plaisir, parce que là, il n'y a plus que la musique, il y a aussi le public qui est oui. là, donc sur lequel il y a aussi une très grande passion pour le public, ils me le rendent bien. Oui, oui, chaque semaine, je vois ça. Donc effectivement, une passion, instrument, c'est piano. Il y a peut-être d'autres instruments que je vais essayer de me mettre parce que j'aimerais, lors des concerts, pouvoir faire d'autres choses. Oui. Mm-hmm. Guitare. J'ai essayé et un de mes meilleurs amis m'a dit continue le piano. Donc j'ai compris le message. D'accord. Comme ça, c'était fait. Ça serait à rigueur peut-être un peu plus sur de la percussion. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, ouais. Donc c'est. Voilà, c'est un projet, quand je ne sais pas, parce qu'il y a un peu des bords en ce moment, mais ça fait partie des projets. Alors cette passion, je veux dire, ça vient aussi de tes parents, enfin, est-ce que tes parents étaient musiciens, le papa, la maman Ma grand-mère faisait du piano, ouais. Ma mère faisait du piano. Donc voilà. Mais c'est même pas les entendant, c'est, voilà, c'est, chez ma grand-mère, j'avais dans ma chambre, parce que j'avais ma chambre chez ma grand-mère, et il y avait un piano, et on m'interdisait toujours d'y toucher, ouais. Comme tout enfant, quand on dit c'est interdit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le fait. Toucher des touches blanches et des touches noires, c'est un vrai bonheur. Bien et, sûr, ouais. Et puis, j'avais joué à l'oreille d'ailleurs au clair de la lune. Ouais. Et puis moi, je voulais impérativement apprendre cet instrument. Et puis on m'a dit, avec une mère institutrice, tu attends d'abord de savoir lire. Oui, oui, oui, bien sûr. Avant de savoir lire la musique. Et quand j'ai vite appris à lire, j'ai dit maintenant, je prends des cours de piano. Ouais. Et puis voilà, puis là. Et puis, de fil en aiguille, à un moment, je me suis lancé à la composition. La composition est venue dans une nuit, oui. Sur laquelle il y a un air qui m'a réveillé avec des paroles. En même temps. Je me suis mis au piano à 3h du matin. C'est ma mère qui était contente. Les voisins aussi, non? Non, parce que j'avais le casque. Non, enfin, ouais, simplement le bruit oui, que le je faisais bruit, avec les touches. Pédales et puis les touches. D'accord. Heureusement, c'était un piano numérique, donc je pouvais avoir le casque. Et puis, ça a été la première chanson. Et puis, j'ai vu que ça plaisait. Mmh. Alors, quand ça plaisait, c'est le cercle familial. Donc, le cercle familial, on est toujours un petit peu douteux sur le retour, parce qu'on n'ose pas forcément dire les choses. Il y a eu un deuxième titre, un troisième titre. Et puis après, il y a eu des rencontres, des belles rencontres, et puis des moins bonnes rencontres. Hein, oui. Dans ce milieu-là, on le sait, il y a du bon, il y a du mauvais. Oh là, oui, c'est vrai. Dans le bon, c'est une personne que j'ai rencontrée, Annecy, qui était Anne Kevitch, hein, qui s'occupait de groupes de gospel et de comédie musicale, où j'ai pu rejoindre la troupe. Et puis, pour des raisons professionnelles, il a fallu que je reparte en région parisienne. Mmh. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai continué toujours la composition, je continue toujours. Et puis, j'attendais le bon moment. le moment d'être prêt. D'être prêt aussi bien à la réussite comme à l'échec. Une très belle rencontre avec une excellente réalisatrice qui est Géraldine Potron. Ah oui, j'ai entendu parler de Géraldine Potron. Qui a travaillé entre autres pour Hélène Séguéra, pour TF1, pour France 2. Et cette rencontre-là est née aussi une très grande amitié, une super complicité musicale. L'aventure a commencé. Mm-hmm. Puis après, des web radios. Et puis, aujourd'hui, ici. Et puis ici, Et Géraldine, elle est arrangeur, je crois. Elle fait arrangement. Géraldine a plein de talents. C'est une merveilleuse photographe. Une excellente réalisatrice de clips vidéo, parce que les deux clips vidéo qu'il y a sur YouTube, c'est Géraldine qui les a réalisés. Une réalisatrice pour l'album et arrangeuse qui est juste exceptionnelle. Oui, je sais, on m'en avait parlé, j'avais des contacts sur Facebook. Je ne sais plus qui m'a parlé de Géraldine, mais c'est vrai que oui, j'avais eu quelques contacts aussi, parce que bon, je... Moi, j'ai une passion aussi, je chantonne aussi un petit peu. Je sais. Et donc, il y avait un petit projet, avec Géraldine, mais bon, ça s'est pas fait, mais c'est pas par rapport à elle, je veux dire. Mais bon, elle fait un excellent travail. Je recule un petit peu tout ça. Oui. Un excellent travail. On travaille maintenant, parce que le premier album, bon, même s'il est sorti que le 26 octobre, je travaille déjà sur le deuxième. Oui. C'est juste magnifique. C'est le tout premier album. Alors le premier album est sorti le 26 octobre. Et là, on est en train d'enregistrer. D'ailleurs, quand je vais rentrer des Vosges, je vais directement au studio pour continuer à enregistrer le deuxième album qui commence à prendre une belle forme. Oui. Parce que comme il y a des concerts qui sont prévus incessamment sous peu. Donc il y avait besoin aussi de travailler sur le deuxième album pour pouvoir faire les concerts. D'accord, ouais. Donc ces concerts, il y a un concert en Ile-de-France et à Lille, à côté de Lille, à Vanille. Voilà, tu nous rappelles peut-être les dates. Alors, Beaulne, qui se trouve entre Mille, La Forêt et La Ferté-Alais dans l'Essonne, c'est le 23 mars. Oui. Et en ce qui concerne les Hauts-de-France, je passe un coucou, parce qu'il y a beaucoup de fans sur le secteur des Hauts-de-France, c'est à Vanille, le 6 avril. D'accord. Voilà. Alors bon, j'en ai parlé, nous serons peut-être présents. Hein. Lille, c'est un petit peu plus près pour nous, tu vois. Je comprends. Voilà. Alors, j'ai oublié les prénoms, moi, c'est la mémoire. Il y a Carole. Carole, il faut que je note. Donc, Carole, et puis... Anne-Michel. Alors, toutes les deux, vous connaissez Loni depuis combien de temps? Vous voyez, vous êtes soumis aussi à l'interview, là. Ben moi, peut-être un peu avant toi, parce que mon compagnon a une web radio en Belgique. D'accord. Il s'intéresse à beaucoup de jeunes talents. Oui. Donc, essentiellement d'ailleurs. Donc, petit à petit, on va chercher des jeunes talents à gauche ou à droite, où c'est eux qui se présentent à mon compagnon. D'accord. À la radio. La radio, c'est Zikwana Radio. Loni a fait son entrée dans la radio qui s'appelait... Top Radio de Folie à l'époque, merci. on est rentré en contact. Loni a fait un festival Octobre Rose au mois d'octobre. D'accord. Et j'y suis allée, je l'ai rencontré, j'ai passé la journée avec lui, puis le festival le soir. Il ne faut pas tout dire, hein. Et depuis l'euro, il n'y a que ça. Depuis l'euro, on ne se quitte plus. D'accord, c'est très bien. Voilà. C'est bien d'avoir des fans. Je les suis à la trace, ou à peu près. Oui. Et puis, Carole, s'est passé comment, ce contact? J'ai connu Loni grâce justement à Michel de la radio en Belgique. D'accord. Ouais. Qui m'a fait connaître Loni. Ouais. Et puis, moi, j'ai tout de suite adoré. Oui. Voilà. Voilà. C'est bien. Alors, une première, Loni, donc je reviens vers toi. Dès l'âge de 15 ans, tu fais un premier titre, mm-hmm. hein, c'est bien ça? Oui, ouais. les premiers titres ont été enregistrés, mais rien n'a été... C'était juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Il n'y a aucune démarche de production ou de quoi que ce soit. C'est, voilà, j'avais juste envie d'enregistrer, connaître le monde des studios, savoir aussi comment ça se passait. Bien sûr. Je pense qu'il fallait que... passer plusieurs étapes pour pouvoir établir un album qui soit sérieux, un album qui me ressemble aussi. Oui. Donc, chanter à 15-16 ans, c'était pour moi... Le jour où je voulais me lancer, c'était vraiment pour aller jusqu'au bout. Voilà. À 15 ans, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'émissions à la télévision, entre autres The Voice. Oui. C'est mignon, c'est adorable, mais quelle carrière derrière pour eux? Je te rejoins là-dessus. Est-ce qu'on est prêt à 6 ans ou à 7 ans à être aussi mis en avant, et du jour au lendemain, on l'a vu avec d'autres artistes qui étaient jeunes, sur lesquels derrière il n'y avait plus rien. Et derrière, alors ces personnes sont connues sans être connues, tout en les reconnaissant, sans les reconnaître. Donc voilà, et bon, déjà à 15 ans, j'avais certaines personnes qui étaient prêtes au niveau de ma famille de me soutenir. Une personne, entre autres mon père, qui, lui, pas du tout. donc voilà, et entre guillemets, il avait raison. Aujourd'hui, avec du recul, il avait raison. Je préférais que ça vienne vraiment de moi, être prêt. Aujourd'hui, je suis en autoproduction, donc ça demande aussi une maturité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est à la fois donc auteur, compositeur, interprète, on est manager, on s'occupe des billetteries lorsqu'il y a les concerts, on s'occupe des services de sécurité, on est producteur à la fois. Bon, voilà, et puis à un moment, faut avoir la maturité pour le faire. Il faut aussi avoir la bonne personne à ses côtés, et là, je passe un clin d'œil à mon épouse. Pour pouvoir supporter tout ça. Bien sûr, alors on salue ton épouse. Voilà, qui nous écoute. Voilà, voilà. On lui fait un petit coucou. Un petit coucou. Ah, voilà. donc voilà, faut se trouver aussi les bonnes personnes parce que c'est un métier qui est très difficile. Très prenant aussi. Difficile pour conjoint, pour raison pure et simple aussi, c'est qu'il y a. Quand ça fonctionne bien, il y a des fans. Voilà. après, il faut être en bonne. Il faut avoir des épouses, ou des compagnes qui soient patientes. Enfin, je le dis souvent. Bon, moi, je fais de la radio. Bon, j'ai ma petite passion aussi pour la chanson, bien sûr. Et je veux dire, c'est vrai que bon, quand on est pris, moi, je dis toujours, je rentre dans ma petite bulle. Et bon, je salue, donc je fais un petit coucou à Patricia, donc ma compagne qui est très très patiente et tout, parce que c'est vrai, quand on est pris dedans, tout à fait, des fois on déborde sur les heures le soir quand on prépare, etc., parce que bon, voilà, une heure et demie d'émission, ça passe toujours vite, mais voilà quoi, et ça se prépare si on veut faire quelque chose de correct et tout, et puis comme tu disais, Leni, bon, c'est vrai que quand tu es dans la chanson, bon voilà, il y a des fans. Bon voilà, ça. Donc il faut une confiance aussi de la part des conjoints, enfin des. À savoir, c'est que je remarque, il y a quand même un grand respect. Même si j'essaie de préserver au maximum ma vie privée, c'est une chose, et ça c'était une chose qui était très claire pour moi. Voilà, il y a mon épouse, les gens le savent, mais je préserve. Voilà, je mets pas en vue du public, même un moment pour le clip du rôle de ma vie, il y avait mon fils, où on s'était dit, tiens, on va peut-être filmer ses mains ou quoi que ce soit le piano. Bon, il n'était pas décidé. Pourtant, il n'arrête pas de toucher au piano, mais ce jour-là, il n'était pas du tout décidé. Il est aussi pianiste, non, hein, c'est dans les gènes, tout ça. Il y a grand-père, après il y a eu Loni, après il y a eu le petit qui va, ça sera avec qui va suivre. Ça sera avec mon plus grand plaisir. C'est vrai que derrière, je ne les mets pas devant parce que voilà, je tiens à les préserver. Je ne sais pas ce que la suite donnera. Oui. Et dès le départ, je veux les préserver au maximum. Maintenant, j'ai un public effectivement à 90% féminin. Ouais. Mmh. Mais qui sont très respectueuses de ça. D'accord. Et donc voilà. Puis je pense que bon, le public, bon, dans ces années-là, maintenant, est peut-être plus respectueux aussi avec l'artiste. Je reviens souvent, moi, dans les années 70, avec les chanteurs à minette. Oh bah, on en a un quand même qui est encore bien présent, qui est Monsieur Patrick Bruel. Oui, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai eu le plaisir d'aller le voir en concert. C'est la semaine dernière, sur lequel j'ai vu des vrais fans de Patrick Bruel. Oui. Mais on n'est plus du tout sur la Bruel mania qu'on a pu avoir dans les années 80 ou 90, où il fallait fermer des restaurants sur Paris parce que Monsieur Patrick Bruel mangeait une pizza. très respectueuse, et vraiment dans le sens du partage et à discuter. Il y avait aussi pas mal de Belges qui étaient donc au Palais des Sports à Paris, ouais. Et qui sont d'ailleurs aussi au Forest National ce soir. Okay. D'ailleurs je leur passe un coucou parce qu'on avait pas mal discuté ensemble, mais donc voilà, mais qui sont respectueux. Donc je pense que les choses évoluent aussi oui, dans bien ce sûr, sens-là. Oui, oui, oui. Mmh. Et aussi une chose, c'est que les fans aujourd'hui, ils ne sont pas obligés d'aimer qu'un seul artiste. On peut aimer plusieurs artistes. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une époque, dans les années 70, c'était soit on était Clo-Clo, soit on était Sardou, soit on était Lama, soit on était Johnny Hallyday. Tu crois ? Oh, il y en avait beaucoup qui étaient... Voilà, c'était... voilà. Tandis qu'aujourd'hui, voilà, on peut très bien aimer Amir, on peut aimer Calogero, on peut aimer Jennifer, voilà. Même si c'est la personne qui aime beaucoup Bruel, elle va beaucoup aimer Bruel, et oui. Un petit peu d'Amir, et un petit peu de Calogero, et voilà. Tandis qu'il y a une période où c'était vraiment, je suis fan de cet artiste-là, et aujourd'hui encore, il y a encore des personnes qui sont comme ça. On ne peut aimer qu'un artiste, on ne peut pas en aimer deux. Il y en a, hein, oui. Ça existe. Hein. On aime bien un artiste, et puis peut-être on écoute un petit peu ce que font les autres, et puis il y a peut-être quelques voilà. Petites choses qu'on aime quand même. Et... Moi, je vois, et c'était entre autres dans le Hauts de France, un artiste avec qui j'ai pu partager la scène à Octobre Rose, qui aujourd'hui est devenu un ami, qui est Julien Thibault, qui est chanteur, sur lequel il a son fan club. Et le fan club, voyant qu'avec Julien on s'entendait bien, aujourd'hui j'ai des fans inconditionnels. Mmh. Elles se partagent entre Julien, ouais. Et moi. D'accord. Et donc voilà. Et quand j'ai annoncé mon concert, même si Julien Thibault ne pouvait pas venir, elles sont là. Voilà. Et Julien le sait, et il ne m'en veut pas. Parce oui, que voilà. Il y a pas de deux. Il y a deux types d'artistes. Il y a l'artiste qui est dans le partage. Ouais. Et l'artiste qui a un ego. Ah oui, énorme, mmh, mmh. Qui se dit mon public il est à moi. Voilà. On a le public ne nous appartient pas, et on le sait très bien, parce que on sait très bien aussi que dans ce métier ça peut être éphémère. Oui, oui, bien donc sûr. Il n'appartient à personne. Mmh. Voilà, on doit être là, on doit être présent, on doit partager. Mmh. Ben voilà, c'est ce que je dis et c'est ce que je constate depuis le 26 octobre. Il faut. D'accord. Voilà. Moi j'aurais bien vu avoir la vie des dames, voilà, des dames qui sont là. Moi, je pense que vous êtes fan de Loni. Est-ce que vous aimez d'autres artistes? C'est sûr. Côté féminin, moi, c'est Lara Fabian. Et c'est vrai. Ouais. Chez les hommes. Chez les hommes, oui, je vais venir. Chez les hommes. Moi déjà, je suis très chanson française. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et à part un artiste, mais qui n'est plus là. Oui. International. Oui. C'était Elvis Presley. Oh là, j'ai des frissons. Là, je suis un grand fan d'Elvis. Mais sinon, non, j'écoute de tout. Ouais, d'accord. Pas dire, ouais. Et puis, je vais y arriver, Anne-Michel. Mais moi, je suis très fan de Michel Berger. Ouais. Et depuis quelques années, de Lilian Renaud. Ouais, et ça me parle. Et ouais. Donc je le suis, je fais partie de son fan club également. Ouais. Et alors il y a quelques nouveaux talents comme Sevi Campos par exemple, qui est aussi devenu un ami. Il y en a quelques-uns comme ça. Et j'aime bien aussi des chansons de Bruel. J'aime bien beaucoup Calogero. D'accord. Aussi. Ouais. Donc ouais, ça va, il y a une belle panel quand même. Mais enfin, vous êtes là après-midi avec nous. Oui. Pour Loni. Donc voilà, Loni, tu les as pas payés, hein, pour pas du tout. Pas encore. J'ai mes concerts à payer. Je ne suis plus là. J'ai toujours un petit peu de bonne humeur dans l'émission. Voilà, c'est bon. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une première chanson quand même. Oui. Hein? Avec plaisir. Après, pendant la chanson, on va boire un petit coup. Voilà. Hein, pour nous. Donc, on écoute une première chanson. Donc, ce titre, c'est toi. Donc, c'est le, je dirais, c'est le titre éponyme. C'était le premier single. Le premier single, de ton album, En passant. C'est bien ça, hein, le... Tout simplement. Non, pas En passant. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Voilà. Alors, on écoute cette première chanson de toi. Qu'un jour il faudra choisir, je choisis toi. Et si le choix des hommes pour mourir, je choisis toi. Puisqu'un jour il faudra souffrir, autant que soit pour toi. Moi je veux mourir libre, rien que pour toi. Partir. Avec toi, avec toi, mourir, mourir, dans tes bras, dans tes bras, m'envoler, m'envoler, avec toi, avec toi, poser mon dernier regard sur toi. S'il faut que je sois ange gardien, je serai rien que pour toi. Donner choix d'une maîtresse, je choisirai toi. S'il fallait un jour que je me confesse, ce serait à toi. Moi je veux mourir libre, rien que pour toi. Partir, partir, avec toi. Warner, sur les ondes de Radio Gamozo cet après-midi, dans les années bonheur. Voilà le premier titre que l'on vient d'écouter, Loni, de ton album. Oui. Composé. Composé, auteur, toi, compositeur. Tout l'album, c'est toi qui l'as fait, 12, dans la composition, dans le. Alors, sur cet album-là, il y a 12 titres. Sur les 12 titres, il y a 9 titres où je suis auteur-compositeur et 3 titres où je suis juste le compositeur. C'est une rencontre merveilleuse que j'ai faite en 2003-2004. Si je dis pas de bêtises, oui. Non, 2006, pardon, 2006, en 2006, qui est Émilie Gondois, qui est coach vocal, qui est écrivain, poète aussi. Je l'ai fait parce que j'ai eu, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu un challenge et sur lequel toute mon équipe avait gagné. Et en cadeau, on avait un enregistrement au studio Guillaume Tell à Paris. Ah oui, d'accord, Studio Guillaume Tell, ça me pour lequel, de ça. Voilà, et c'est pour lequel bon, il y avait Johnny Hallyday qui avait enregistré un truc là-bas, donc c'était vraiment quelque chose de très, très, très, très énorme pour toute l'équipe. Et on nous avait proposé de se faire plaisir et d'enregistrer avec une vidéo en même temps Les Rois du Monde. Les Rois du Monde, ça, c'est la comédie musicale. D'accord. Et donc il y a Émile Gondreau qui m'avait repéré et qui m'a dit mais vous chantez. Je dis voilà, j'ai fait la comédie musicale, jamais pris de cours de chant. J'ai fait donc comédie musicale, j'ai fait du gospel. Elle me dit bah, ça s'entend. Mais elle me dit moi par contre j'écris des textes, mais par contre je sais pas écrire la musique. Bah, j'ai écouté ce que vous faites, vous m'envoyez des textes. Et puis j'écrirai la musique. Et à partir de ce moment-là, y a eu plusieurs titres. Et quand j'ai décidé de faire l'album, j'ai demandé donc à Émile Gondois si elle acceptait que ces trois chansons, enfin ces trois textes, soient. Elle m'a dit mais avec le plus grand plaisir. En plus que ce soit toi qui l'interprète, c'est avec le plus grand plaisir. Donc voilà, première complicité. Première complicité musicale, donc avec Émile Gondois. Et puis, puisqu'on je parle des complicités qu'il y a, sur le deuxième album, alors là, le deuxième album, c'est donc pareil, il y a sur 12 titres qu'il y aura, il y en a 10 hein, où je suis auteur-compositeur, enfin, où j'ai écrit les paroles, il y en a. Une, c'est en co-écriture avec Manuela Mancini. Une autre chanson, c'est Ange Feliciano, qui est un auteur, qui est aussi un artiste, qui est comédien. Et en ce qui concerne les compositions, sur les 12, il y en a 10 sont de moi, et 2, là c'est du scoop, hein, parce que personne n'est au courant pour l'instant. En exclusivité. C'est Géraldine Potron. C'est moi qui lui ai demandé de, de poser elle-même ses notes sur parce que j'avais envie, il y a tellement une belle complicité musicale, j'avais envie que voilà, il y a aussi une trace de Géraldine Potron hormis les arrangements donc de composition, donc l'album, deuxième album va s'appeler À tout cœur. Donc là, ça, vous avez des scoops hein, aujourd'hui. Hein. Oui. donc, à tout cœur. Pour raison plus simple, c'est vraiment un album de partage avec différents artistes, avec différents auteurs. Donc, Émile Gondois aussi, il y a des textes aussi d'elle. Ouais. Et puis, bien sûr, des textes où je suis auteur-compositeur aussi sur l'intégralité. Est-ce qu'on peut te mettre dans la catégorie, Loni, de chanteur romantique? Bonne question. Ça, c'est une bonne. On ne l'a jamais posé. C'est vrai. Merci. Non, un moment, on me disait toujours, ça faisait un peu chanteur mouchoir, parce que c'est vrai que les chansons d'amour et tout ça ensuite. Et j'ai toujours dit, non, je ne suis pas un chanteur mouchoir. Et d'ailleurs, sur le deuxième album, ils vont bien comprendre que je ne suis pas un chanteur mouchoir. Non, simplement, ce sont des chansons à texte. Donc, effectivement, il y a certains sujets, dont un titre qui est Batois, qui parle du cancer. Effectivement, il y a plus gay comme sujet. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a les chansons d'amour. Alors, chansons d'amour, si on pleure, c'est qu'on est touché et sensibilisé et qu'on a l'impression de revivre. Et un artiste, quand il écrit pas que pour lui, il écrit aussi pour partager avec les gens. Donc ça, forcément, que les gens ont un vécu et que derrière, ils s'approprient. Et moi, aujourd'hui, il y a deux chansons de l'album, elles ne m'appartiennent plus. Je le sais déjà. C'est Batois et c'est Le rôle de ma vie. Ces deux chansons-là, moi je le vois sur les réseaux sociaux, des gens qui l'ont partagé, qui ont dit des fois c'est une personne qui se séparait, qui a mis cette chanson en ligne, elle dit le rôle de ma vie s'arrête aujourd'hui. Oui, d'accord. Quand on parlait, ça me donnait frisson parce que ça touche le public, ça touche les personnes. Et Batois pour son histoire, Batois normalement ne devait pas être sur l'album. C'est une chanson qui est très personnelle j'ai eu contact avec de personnes dans les Hauts-de-France, Sébastien Delplanque et Joël Louvet, qui organisaient Octobre Rose. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on doit aussi être présent sur des sujets. Donc c'est un sujet qui touche. Qui touchait. Bon, moi personnellement, à titre familial, cette chanson je voulais pas la mettre sur l'album et je voulais même pas l'arranger. Voilà, c'était, mm-hmm. c'était ma chanson et la chanson, entre autres, pour mon père. D'accord. Et elle dit, bah voilà, on fait encore ça en rose, machin. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je la sors de son contexte, enfin, de son contexte. Voilà, je la sors du cercle familial. Oui, oui, oui. Et je la mets au devant du public. Et j'ai envoyé donc à Joël Louvet, qui l'a entendu, et à 5h30 du matin, j'avais un message disant me faire pleurer, me donner des frissons dès le matin, ça fait bizarre, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Ça, c'est des mots qu'on n'oublie pas. Et Octobre Rose, bah voilà, c'était la chanson. Et l'album n'était pas encore sorti, hein. Il était sorti quelques jours après. C'est la chanson que je ne voulais pas sortir qui m'a permis de me faire connaître par rapport au public. Et cette chanson-là, aujourd'hui, elle m'appartient au niveau du cœur, parce que voilà, ça a été écrite pour mon papa. Mais aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes la partagent, qu'elle est diffusée, mais à bon escient, et avec respect par rapport aux web radio et radio. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je sais que sur cet album-là, il y a deux chansons qui m'appartiennent plus. Mais voilà, tout artiste a des chansons. Voilà, on les écrit pour une petite amie, on les écrit pour sa femme, pour son enfant, et puis pour l'actualité. Un jour, ça sort. Et puis ça rentre dans le cœur des gens. Et puis moi, je vois des gens des fois qui posent des choses. Ils sont dans leur voiture, ils écoutent ma musique. C'est je trouve ce qu'il y a de plus beau avec le public. C'est ce partage et c'est arriver. Ils rentrent en écoutant les chansons avec pudeur dans notre vie, parce que un artiste écrit par rapport à des sentiments, par rapport à des choses vécues. Et nous, en tant qu'artiste, on rentre petit à petit chez eux avec autant de pudeur, et c'est là où elles partagent. Et c'est, je trouve, c'est ce qui est le plus beau. Avant de rencontrer le plus beau des partages, et avec lequel j'ai une grande hâte, c'est celui des concerts. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai toujours, être en studio, enregistrer le CD, c'est bien, c'est formidable. Mais après, je pense que pour l'artiste, c'est magnifique d'être sur scène et de partager avec son public. Il y a plusieurs plaisirs. Toutes ces chansons. Il y a plusieurs plaisirs. Le premier plaisir, c'est de pouvoir se mettre à son clavier et écrire des chansons. Voilà, ça c'est le premier plaisir. Le début, oui, c'est vrai. Faut quand même bien commencer à un moment par quelque chose. Moi, par exemple, dernièrement, et ça fait partie, et c'est rare, que comme ça, j'ai un coup de cœur sur un texte. Ange Feliciano m'a présenté un texte. J'ai composé la musique et j'ai dit. Le deuxième album, j'avais déjà mis tous mes titres. Hein. Donc pour moi, il n'y avait aucun qui va rentrer. Oui. J'en ai retiré un, j'ai dit celui-là, il est dessus. Il faut qu'il soit dessus. Il faut qu'il soit dessus. Donc il y a le plaisir de la lecture lorsqu'il y a quelqu'un qui écrit les textes, ou alors le plaisir de composer. Moi, j'ai une personne qui m'a parlé d'une action qui devait être menée. Bon, malheureusement, c'est tombé à l'eau. Mais par rapport aux concerts, par rapport aux enfants, et entre autres par rapport au don d'organes. Oui. Ça m'est venu comme ça, et la musique a été. Enfin, les chansons, en général, je mets 3 à 5 minutes maximum pour écrire paroles et musique. D'accord. Au-delà, pour moi, c'est pas bon. Parce que c'est-à-dire que derrière le refrain, on va pas le retenir, on va pas retenir la mélodie, et c'est ce qui compte le plus quand même. Comme il faut que les compositions, la chanson rentre dans la tête. Et voilà, donc là, qu'on écoute bien, qu'on ait bien les textes. Tout à fait. Donc il y a le plaisir de l'écriture, ensuite il y a le plaisir de les jouer. Ouais. Parce qu'on peut écrire et puis à un moment se lasser. Donc si nous on s'en lasse, faut mettre de côté. Surtout pas mettre sur un album. Et puis après, il y a le plaisir de la rencontre avec musiciens, entre autres Fabrice Ferté, qui est le guitariste du premier album, du deuxième album, et bien sûr qui sera présent au concert, parce que c'est un excellent artiste aussi. Comme j'écoutais tes chansons, je veux dire, dedans, là, ça. Voilà, que ce soit une guitare et tout ça. Guitare acoustique ou électrique, excellentissime. Et bien sûr, le plaisir de travailler avec Géraldine Potron, aussi avec Nathalie Moreau, qui est choriste. Là, j'ai le plaisir de travailler avec Manuela Mancini sur un duo. Voilà, ouais. Troisième scoop de la journée. Merci, faut que j'arrête de venir dans les Vosges, moi. C'est le grand air qui t'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien, oui. Du décompressé, voilà. Oui, et donc, un dos, bien sûr, qui sera... Parce que là, je sens bien des personnes qui sont en face de moi. Là, qui, oui. Les femmes, qui, oui, bien sûr, le duo sera interprété au concert. Et puis voilà. Puis après, d'autres rencontres, même avec les personnes qui s'occupaient de l'album, au niveau du pressage. Oui, du pressage. Ce sont des personnes avec qui on peut discuter, on apprend plein de choses. Il y a des rencontres formidables de l'étape de l'écriture, de la musique, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à, oui. Ce sont des rencontres formidables. Alors effectivement, l'aboutissement, c'est le concert. Ouais. C'est le concert, bien sûr. Voir comment les personnes qui vont réagir vont. C'est même pas une question de réagir, parce que de toute façon, il peut y avoir différents publics. Parce qu'on sait très bien, d'une région à une autre, que de toute façon, le public est totalement différent. Ça, c'est clair. Oui. Tous les artistes. D'ailleurs, des artistes commencent des fois par des pays ou par des villes parce qu'ils savent que c'est pas forcément le public le plus chaud. Oui, je ne comprends rien. Je suis d'accord avec toi. Ça voilà. Va. Je ne dirais pas le nom des villes ni des pays. Voilà. Même si je le sais, moi, voilà. Bon, à savoir, ce que je commence par Beaune, ça ne veut pas dire que Beaune, ils ne sont pas bons. Hein. Voilà, oui. Non, au contraire, c'est l'île de France, et ouais, on ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, voilà. D'ailleurs, moi, je les ai même évités, ces pays-là et ces villes-là. Mais voilà, par contre, c'est vrai que, mais tout artiste pourra le dire, les Hauts-de-France, voilà, la Belgique, font partie. On a une représentante, là. Voilà. Hein, mais je ne dis pas parce qu'elle est là. Mais, elle va rougir. Il y a le Québec aussi, sur lequel on sait que c'est un public qui est à fond et qui donne tout. Et moi, je vois sur un Octobre Rose, ils attendaient à avoir une centaine de personnes. Simplement, c'est qu'il y a eu énormément d'actions Octobre Rose sur le secteur en l'espace d'une semaine. Et simplement, c'est qu'avec le temps, il y avait de moins en moins de monde. Et on avait dans la salle, il devait y avoir une cinquantaine de personnes, 50, 60 personnes grand maximum. Et c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on se dit waouh, là, ça va être compliqué. Oui. Un public de folie. D'accord. De folie. Qui ont fait même plus de bruit que j'avais eu au concert où on disait qu'il y avait 300 personnes, mais qui étaient déchaînées. Oui, bien sûr. Donc voilà. C'est pas parce qu'on peut avoir une salle de 5000 personnes, si le contact passe pas et si les gens n'ont pas envie, ça passe pas. Bien sûr. Par contre, on peut en avoir 30, 40 ou 50 qui sont vraiment très bons et qui ont envie de chanter, de danser, de taper dans les mains. Oui, bien sûr. Mais sur les concerts, tu en as déjà fait, bien sûr. Non, c'est le premier concert, le 23 ça. Mars. C'est vraiment mon tout premier concert. Ça fait partie d'un de mes rêves. Oui. J'avais dit un jour... Je serai arrivé à ce que je veux le jour où je ferai mon concert. D'accord. Donc là, effectivement, c'est moi qui ai un petit peu tout régi, que ce soit la mise en scène, au niveau des éclairages, enfin voilà, de ce que je veux. Oui. Même encore ce matin, j'étais avec ma super équipe au niveau ingénieur du son et ingénieur lumière. D'ailleurs, j'en passe un petit coucou à ce que je pense qu'ils écoutent. Et donc, c'est Live Event, et c'est des personnes qui sont de Lille. Et qui font, j'ai eu le plaisir de les avoir pour un des concerts donc de Octobre Rose, et quand j'ai vu le magnifique travail qu'ils avaient fait sans me connaître, sans connaître les titres, et ce qu'ils avaient fait du passage d'un quart d'heure, 20 minutes que j'avais eu, je l'ai voir, j'ai fait c'est vous. Voilà. D'accord. Et je suis quelqu'un de très fidèle, et j'aurais dit voilà, il y a deux dates à l'heure actuelle, j'espère qu'il y en aura d'autres. Après, on peut avoir des scoops pendant encore l'émission, mais voilà. Mais déjà sur ces deux premières dates, c'est. Mais est-ce que je veux dire, bon, tu vas faire ces deux concerts-là, tu vas ne chanter que les chansons de ton album, ou est-ce que tu vas chanter d'autres chansons? Joker. Non, parce que. C'est vrai qu'en ayant reçu plusieurs artistes, voilà, et certains me disent, écoute, il faut qu'on, rentre des fois pour je veux dire, pour mettre que le public soit bien, peut-être chanter quelques chansons connues, tu vois, et puis après présenter ton répertoire. Alors je vais faire deux réponses. La première chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une chose, j'étais assez surpris, énormément de très bons chanteurs qui ne chantent aucune chanson à eux, mais qui font que des reprises. C'est le cas qui s'est passé sur mon premier concert Octobre Rose, où j'étais le seul auteur-compositeur-interprète. Oui. Et quand moi j'entendais les chanteurs d'avant passer, chanter du Johnny Hallyday, du Céline Dion, machin, j'ai mis leurs chansons à eux, ils n'en chantent pas. Mm-hmm. Et là, ça met une grosse pression parce que, bah forcément, il y a de l'ambiance, on connaît les titres, les gens peuvent les chanter, on tape dans les mains. Et moi, petit Parisien qui arrive dans les Hauts-de-France avec une musique qui n'est pas connue, une chanson qui n'est pas connue, un artiste qui n'est pas connu, mm-hmm, on se dit, mon Dieu. Et en réalité, ça peut empêcher de mettre l'ambiance. Je pense que les gens sentent le respect qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, l'envie de partager avec eux, et c'est ça. Je ne pense pas qu'il faille se vendre avec la musique d'autres chanteurs. Non, je voulais juste te dire, voilà, tu vois, un ou deux titres comme ça. Alors, voilà, scoop pas bien 4. Sûr, pas faire. Oh là, c'est bien, là, je... Je veux dire, non, mais pas faire bien sûr tout le concert avec des reprises, non, comme tu disais. Non, mais peut-être un ou deux, trois titres, je dirais, puis après, voilà, présenter ton album, tes compositions. Alors, non, il va avoir effectivement. Alors, c'est même pas des reprises. Enfin, si, c'est des. Voilà, il y a. Comment dire ça? Comment dire sans tout dire? Il va avoir pendant le concert, je vais me voir le plaisir de pouvoir interpréter des chansons. Oui. Qui ne sont pas de moi, donc des reprises, voilà, de trois artistes. D'accord. Donc j'étais pas tout à fait dans le faux. Voilà, non, parce que. Non, juste deux, trois chansons, voilà, je voilà, dis, c'est ça. Pour raison pure et simple, c'est que. Je peux pas dire parce que j'ai envie aussi. Ne dis pas tout. Je peux pas tout dire parce que j'ai aussi envie qu'il y ait des surprises. Bah, bien sûr, dévoiler. Donc voilà. En discutant avec mon public, je sais aussi les chanteurs qu'ils aiment. Bien sûr. Donc, je fais par rapport à ça. Ça te donne une indication. C'est l'avantage qu'il y a, c'est que les chanteurs qu'ils aiment, c'est aussi les chanteurs que j'aime. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on, oui, s'aime. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai décidé que il y a aussi des chanteurs d'influence aussi par rapport à moi. Ouais. Alors, j'ai pas dit que c'était mes chanteurs d'influence qui vont être interprétés. Mais voilà. Donc, de toute façon, pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de venir soit le 23 mars ou le 6 avril, donc à Voigny. Voilà, d'accord. Alors, Lonnie, on va écouter une deuxième chanson. Oui. Hein, et puis, je crois qu'après, on écoutera une chanson, tu nous feras une chanson en live. Oui, avec plaisir. Hein, donc, la chanson dont tu nous as parlé tout à l'heure, Bat-toi. Mm-hmm. Et puis là, on va écouter. Donc, ça sert à rien de dire je t'aime. Qu'on passe le temps, qu'on m'angoisse les sentiments, j'aimerais tellement de l'entendre dire. Quand je perds confiance, quand je vis dans la romance, mon sourire serait de te l'entendre dire. Peu importe si tu me l'as déjà dit, mais j'aimerais tellement tu l'entendre dire. Il y a des jours où on se dit, ça sert à rien de dire je t'aime. Ils sont juste là pour nous rendre fous, ils nous guident dans la paix. Il y a des jours où on se dit, ça sert à rien de dire je t'aime. qu'un jour je serai rien qu'à toi. Mais tu vois, l'amour, ça se commande pas. De toi à moi et de moi pour toi, je te le dirai comme on ne te l'a jamais dit. Peu importe si tu me l'as déjà dit, mais j'aimerais tellement tu l'entends. Voilà, ça sert à rien de dire je t'aime. Alors, on a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Ben, ça va bien, merci. Voilà, tout se passe bien. Alors, je ne sais pas, vous êtes... Alors, je suis Michel, j'appelle de Belgique, et je suis l'animateur de la radio belge que Anne a parlé tout à l'heure. Ah, donc vous êtes le compagnon de... De Anne, Michel, voilà. Ah ben, enchanté. Enchanté, cher collègue. Moi aussi. Voilà, c'est bien, c'est gentil de nous appeler. Bonsoir, bonsoir Michel. Un petit coucou. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Chérie. Salut Michel. Tout le monde a entendu là. Voilà, non, mais je vous laisse. Pardon. Je vous laisse dire Michel, ouais, je vous laisse dire un petit mot à l'ONI, voilà. Ben, je voulais dire que c'est bien parce qu'on apprend pas mal de choses. Ah oui, oui, hein. C'est parce que l'animateur des Vosges, c'est parce que l'animateur des Vosges, il est bon dans ses questions. Il tire les vers du nez. Ah ouais, j'arrive à tirer les vers du nez. Mais ah ouais, ouais. Je ne parle plus là, je ne parle plus, je ne dis plus rien. L'ONI, il va plus rien dire, il va chanter après. Ouais. Mais c'est sympa de nous appeler, c'est vraiment gentil. Et puis je voulais faire aussi dire à Anne que j'ai bien entendu dans la radio que tu parlais au micro, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah, je savais bien ça. C'est maintenant, une exception. Elle aura plus d'excuses maintenant, Michel. Hein. Ah ouais, non, depuis le temps que j'aimerais bien animer mes émissions avec elle en duo, elle veut bah oui. Parler. Ah bah c'est bien, on a un scoop aussi nous maintenant, c'est formidable ça. J'étais pas au courant. Bah décidément, hein. C'est bien. C'est bien. Voilà, Carole veut dire peut-être quelque chose à Michel, je sais pas si vous connaissez, enfin voilà, non. Non, pas plus. Un petit Carole, coucou. Carole, ça fait 30 ans que je la connais. Oui, on est amis depuis 30 ans. Ah, c'est vous vrai. Êtes amis depuis 30 ans, oui, voilà. Michel et moi, oui. Ouais, ok. Alors tout est dit, tout est noté, hein, tout ça, ça repassera dans, dans le podcast. Voilà. Voilà. On s'est tout dit ? Ouais ? Ouais, moi je trouve que c'est une belle émission, c'est bien. Et... Ben merci Michel, c'est gentil. Je suis à l'écoute depuis le début et c'est dommage que C'est dommage qu'il y avait tous les craignés pour arriver chez vous, parce que j'ai appris que ma mère est restée en bas. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, d'ailleurs, je passe un petit coucou. Bon, je l'ai vu tout à l'heure et je lui passe un petit coucou parce qu'effectivement, pour monter la radio, il y a pas mal de marches. Oui, il y a quelques marches. C'est un petit peu compliqué. Mmh. Alors, je pense qu'elle nous écoute via le téléphone. Donc, je lui fais un gros bisou et puis je lui dis à tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des surprises qu'il réserve juste après l'émission. Mais ça... Là, par contre, je ne dis plus rien. Là, je ne dis plus rien. Stop. Donc voilà. Ah. Ok. Bon, ben merci Michel de ce petit coup de fil, c'est sympa. Merci à toi Michel. Très bien, et puis bonne continuation pour l'émission, reste à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ma foi, bah, peut-être Michel. À très bientôt. Bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, un collègue qui téléphone. Voilà. Alors, tu as parlé d'influence tout à l'heure musicale. Il ne veut plus parler, lui. Joker. Bon, bah, c'est marqué. Oui, c'est marqué. C'est marqué. Si tu veux en parler un petit peu, je pense. Les influences, il y en a plusieurs. C'est par rapport à des artistes qu'on peut apprécier. C'est des artistes aussi par lesquels aussi j'étais bercé. Déjà, le premier pour moi, c'était mon maître. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à chanter. C'était une des chansons qui a été écrite par lui et par Plamondon, qui est Michel Berger. Michel Berger. Oui. Sur lesquels je me suis entraîné à chanter sur le blues du businessman. Okay. Donc voilà, ça c'était. Je me dis, le jour où tu arriveras à chanter celle-là, tu pourras commencer à dire que tu sais un petit peu chanter. Parce que de toute façon, il y a toujours du travail. Et même... Oui, de toute façon, il faut travailler tous les jours. Et puis essayer de pousser au maximum, tout en préservant quand même. Oui. Parce que on se dit, bon, c'est bon, on a 3 semaines du concert, mais il faut que la voix, elle tienne aussi. Bien sûr. Bon, par contre, effectivement, sur 2-3 jours avant, on va calmer le jeu, et puis pour que la voix soit bien là. Mais donc, bon, effectivement, Michel Berger, Johnny Hallyday. Oui. Alors, un petit peu plus sur le deuxième album, mais il y en a un petit peu sur le premier. Monsieur Patrick Bruel, oui. Lara Fabian, beaucoup plus sur certains textes, oui. qui peut y avoir. Et Calogero, on retrouvera un petit peu davantage cette couleur-là sur le deuxième album. Non, entre autres, la chanson Coup de cœur, où j'ai eu le plaisir d'écrire la musique sur le texte de Ange Feliciano. Donc voilà, une belle tendance Calogero. Voilà. Donc on retrouve là, bien sûr, un petit peu tous les goûts de Anne-Michel, dont elle nous a parlé tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Michel Berger. C'est assez drôle parce que en discutant avec les personnes qui me suivent et qui apprécient mon premier album, quand je pose la question quels sont vos chanteurs préférés, ils font partie de la liste. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent par rapport au côté musical. Alors moi ces influences que j'ai eues parce que c'est ce que j'écoute aussi, oui. Mais quand on m'a posé la question la première fois, mes influences, alors moi j'étais incapable de dire mes influences, et en réalité c'est Géraldine Potron qui m'a dit voilà, t'es sûr, par rapport à ce que tu veux, ce que t'attends, même au niveau des arrangements, voilà, c'est des choses qu'on retrouve, quoi. Oui, d'accord, ok. Voilà. Bien. Alors, je sais pas, on va se préparer peut-être. Alors, je sais pas, on peut. Parce qu'il est 16h58. Déjà, il faut quand même. Ouais, ça passe. Déjà, que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Et ben, on fait Batois alors. Donc, on va faire, si tu veux nous interpréter, donc Batois, hein, voilà, en live, donc Lonnie Warner, dans nos studios. Voilà. C'est. Voilà, Lonnie se prépare. Voilà, et Lonnie est prêt. Lonnie est prêt. Ok. Voilà, mesdames, vous écoutez. Même si le temps passe et que la maladie ne s'efface, même si le mal est plus fort que toi et qu'il te porte à bout de bras, tu m'as toujours appris que dans la vie fallait se battre. Tu m'as toujours dit que personne ne pouvait te battre. Pour un cœur qui bat et qui ne veut de l'au-delà, se crabant Lucifer, les larmes coulent en mille mers. Bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Souviens-toi des moments de joie, même si il est en toi. Souviens-toi des jours où tu me disais, un jour le crabe, il perdra. Te verra, papy, un nouveau rôle s'est offert à toi. J'aimerais tant que tu le vois grandir, pas pour lui, mais rien que pour toi. Pour un cœur qui bat et qui ne veut de l'au-delà, pour ce crabe en Lucifer, où les larmes coulent en mille mers. Bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et si un jour tu n'en peux plus, que la vie te paraît trop longue, que c'est foutu, je ne te jugerai pas, ne parlerai pas. Comprendra. Pour un cœur qui bat et qui ne veut de l'au-delà, se crabe en Lucifer, où les larmes coulent en mille mers. Bats-toi, bats-toi. Pour un cœur qui bat, qui ne veut de l'au-delà, se crabe en Lucifer, où les larmes coulent en mille mers. Bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bravo, Lonnie. C'est bien. Ah, c'est pas une chanson. Évident comme ça. Pardon. Sur le live, c'est pas, parce qu'on s'entend pas forcément. Oui, oui, non, non, mais bon. C'est, je pense que bon. C'était bon. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est une chanson très. Donne des frissons, hein, aussi. C'est vrai que. Puis avec ton interprétation, bien sûr. Je veux dire, voilà, il y a tellement aussi... touché de près, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui, comme ouais. J'ai dit, il y a des chansons, on a le plaisir d'écrire. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la playlist qui est dans son regard. Où là, par contre, c'est une chanson écrite pour mon fils et pour mon épouse. Et là, par contre, là, effectivement, on a le plaisir d'écrire cette chanson-là. Par contre, c'est vrai, cette chanson, comme j'ai dit, si j'avais pu éviter de l'écrire. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai aucun regret que cette chanson, comme je disais, soit rentrée en pudeur dans les foyers et qu'on m'en parle. Parce que bon, malheureusement, beaucoup de personnes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, beaucoup de personnes sont touchées par. Mais simplement, ce qui me dérangeait un petit peu dans cette chanson. Bon, déjà d'une, parce qu'elle me touche de près. Mais que derrière, on connaît très bien ce que les gens, des fois, peuvent penser sur les artistes. Moi, dernièrement, j'ai entendu sur des artistes qui fonctionnaient super bien, vous faites ça pour l'argent. Et, ah oui. Et Et je me suis dit, pareil, il va y avoir ce... Moi, voilà, cette chanson, j'étais très clair. Cette chanson, déjà, devait pas être sur l'album. Donc, c'était pas l'objectif. Et la deuxième chose, dernièrement, j'ai communiqué, sur lequel, derrière, j'ai dit que toutes les recettes au niveau de ce titre, entre autres par rapport à la vente au MP3, revenait directement à la Ligue contre le cancer. Je ne toucherai pas un seul centime sur cette chanson. Donc les choses sont claires. Voilà, je l'ai écrit parce que voilà, c'était quelque chose qui me touchait de près. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est pas une musique, c'est pas une chanson qui va malheureusement guérir. Mais au moins, si elle peut apporter du réconfort, si elle peut dire aux gens qui des fois se disent, bah ouais, je peux peut-être continuer à me battre. Oui. Voilà, si ça peut servir à ça. Ce n'est que tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, ça ne servira en aucun cas à faire ma promotion et ça ne servira en aucun cas à me faire de l'argent par rapport à la maladie. Ça, les choses sont très claires et je tiens à bien le préciser aujourd'hui encore. D'accord. Enfin, je pense que, bon, au début, tu nous en as parlé, tu ne savais pas si tu allais le mettre dans l'album ou pas, mais moi, je pense que tu as pris une bonne décision de mettre. Bah, aujourd'hui. Surtout, bon, comme tu disais, ça te touche bien sûr de près. Et voilà, je pense que... Elle fait, comme j'ai dit aujourd'hui, effectivement, elle m'appartient, enfin aujourd'hui, elle ne m'appartient plus. Oui, bien sûr. Mais ce n'est que tant mieux parce que c'est le partage. Oui. Et que certaines personnes se soient appropriées. Moi, Batois, on m'en parle toutes les semaines. Depuis le 26 octobre, toutes les semaines, on me parle de cette chanson. Et moi, à chaque fois que je la chante, bah, c'est des frissons. C'est clair que au concert, elle aura encore une autre couleur. Oui. Mais là, je ne dis rien. mais voilà. Et c'est une chanson qui, bon, là en studio, ça va pour la chanter. Mais c'est vrai que, comme je disais avec à Géraldine Potron, cette chanson au concert, ça va être très, très, très compliqué à chanter. Parce que voilà, il y a l'émotion. L'émotion, là, c'est. Il faut contenir tout voilà, ça. Mais je sais que le public sera là derrière. Oui, bien sûr. Hein. Et la chanson en faire passer aussi, puis contenir son émotion, tout ça, ça c'est pas. Voilà. Ça doit pas être. Mais bon, il y a plein de chansons, plein de chansons. Bon, dans son regard, c'est aussi une chanson qui est tendre. Oui, toutes ces chansons de cet album, Loni, c'est toutes des chansons autobiographiques. Je vais encore avoir une exclue, je crois, non? En ce qui concerne les titres, c'est autobiographique, oui, non. Enfin, simplement, ça touche toutes les personnes. Ce que je voulais sur cet album, c'est que les gens puissent se retrouver. Voilà, aussi. Donc voilà. Maintenant, effectivement, il y a certaines chansons qui sont vraiment le rôle de ma vie. Bah, c'est clair, ça a été écrit. Ça, c'est pas un scoop. Hein, j'ai déjà annoncé depuis longtemps. Donc. mais le rôle de ma vie, à la base. On va monter l'audimat. à savoir, c'est que le rôle de ma vie, au départ, c'était pas du tout une chanson. C'était une lettre que j'étais en train d'écrire à mon épouse. Oui. Et simplement, c'est qu'en écrivant la lettre. La musique m'est venue. Donc j'ai arrêté d'écrire la lettre, je me suis mis à mon clavier, j'ai continué à dérouler, et c'est ce qu'a fait la chanson. Okay. Donc elle n'a pas eu la lettre, mais elle a eu la chanson. Ouais, c'est beau aussi. Donc voilà. C'est beau aussi. Dans son regard, ça a été écrit le soir même de la naissance de mon fils, pour lequel j'ai pas eu la chance de pouvoir rester à la maternité dans la nuit, où je me suis retrouvé comme un imbécile chez moi, tout seul, sachant ma femme et mon fils à l'hôpital. C'est horrible. Ouais. Et là, j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Le Piano. D'accord. Sur lequel j'ai posé les noires blanches et les noires, et sur lequel le texte m'est venu, et se dire aujourd'hui dans le regard de mon enfant, je vois celui de ma femme, et bien comme sûr. Ma femme peut voir mon regard dans le sien. Bien sûr. Puis c'est magnifique, je trouve ça. C'est une chanson écrite comme ça qui va rester à tout jamais. Enfin, on va dire gravée. C'est le cas de le dire. À savoir une chose, c'est que on se rend compte que dans la vie peut être courte. Et je voulais laisser impérativement une trace à mon fils. Quoi qu'il arrive. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et un jour ton père, il a écrit des chansons. Il y a certaines chansons qui sont écrites pour toi. Il y a eu un choix aussi. C'est le premier clip de le tourner avec mon épouse, entre toi. Oui. Parce que je me dis, bah, au moins un jour, il pourra dire, bah, mon papa et ma maman, bah, ils ont tourné un clip ensemble. Donc, voilà, non, mais c'est voilà, il y a deux choses. Il y a l'amour, l'amour des siens, mon épouse et puis mon fils, et l'amour de la famille aussi. Et puis, il y a l'amour du public. Il y a deux choses. Il y a une barrière quand même entre les deux. Mais, voilà, donc, biographique, oui. Sur le deuxième. Son deuxième album, c'est à tout cœur, donc il y a du biographique, il y a du pas biographique du tout, puisqu'il y a des choses, entre autres, des chansons où les paroles ne sont pas de moi. Alors effectivement, l'auteur m'a dit, quand il m'a envoyé les paroles, il me fait, je sens que ça va te plaire ça. donc voilà, effectivement, ça m'a plu, puisqu'effectivement, j'ai décidé de le mettre sur le deuxième album, alors que ce n'était pas du tout convenu comme ça, puisque j'avais fait ma playlist aussi, moi. D'accord, oui. Donc deuxième album, on va dire en préparation, en cours d'enregistrement. Bah là, samedi soir. Donc tu as fait déjà. Voilà, samedi soir. Samedi soir, il y aura sept titres. Sept titres, oui. Sept titres qui sont enregistrés, sachant que derrière, bon, il y a les concerts, donc il y aura une petite pause. Et puis après, il y a des titres sur lesquels ils vont être testés un petit peu pendant les concerts. Oui, tu vas aussi quand même interpréter sur le concert, des futures chansons. Sur le concert, voilà, pour un petit peu voir la réaction du public, je pense. Voilà, c'est ça. Sur le concert, il y aura donc le premier album, le deuxième album. Presque en intégralité, parce que pour l'instant, il y a une ou deux chansons, je ne sais pas, je vais mettre ou pas, donc voilà. Oui. Et puis, bah, comme vous le savez, trois reprises. Maintenant. Voilà. Voilà. Voilà. D'accord, bon, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Venez au concert. Voilà. Ah, d'accord. Oui, alors autrement, on va parler un petit peu, si tu veux, Loni, donc un petit peu tous les classements du top. Donc, je vais y arriver, 15 en Belge sur Zik. Sur Zik One Radio, effectivement, il y a un top 15. Voilà, c'est ça. Où depuis presque la sortie de l'album, c'était pas le 26, je crois que c'était au mois de novembre, sur lequel donc premier, et même encore premier mardi, là, c'était mardi, avec un record de vote, puisqu'on était à 560 000 et quelques, qui était un record pour la radio. Et donc 17 semaines classé premier. Et autre surprise aussi, c'est en Suisse. En Suisse, oui, j'allais sur le top 15 international, où, sans que je sache même à la gueule que j'étais diffusé pour ce top international, ça va faire 4 ou 5 semaines que je suis premier. Donc sur ça, c'est une. Alors, premier ou pas premier, c'est. Bon, finalement, on en est content. Oui, ça prouve que le public est derrière, et c'est aussi un très bon indicateur par rapport à l'album. Mais voilà, c'est le plus beau cadeau que puisse faire le public derrière. Maintenant, et comme j'ai dit, et je l'ai dit d'ailleurs à l'antenne mardi, il y a des artistes qui ne sont pas sur le top 15. Il y a des artistes qui rentrent et qui sortent du top 15. Oui. Et c'est pas pour autant que ça enlève la valeur artistique de ces artistes. Voilà, maintenant, effectivement, le top 15, il y a public qui est là. Moi, j'ai vu là, les votes encore qu'il y avait cette semaine pour moi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur la semaine prochaine. 18e semaine, pas 18e semaine. Voilà, le public, il est libre de faire ce qu'il veut avec le chanteur qu'il veut. Mais c'est une très, très, très, très belle histoire que je vis depuis 17 semaines avec les éditeurs de Zikwan Radio. Aujourd'hui, avec Stop FM, donc en Suisse. Alors, je vais dire aussi Rheinland Radio, parce que c'est la première radio web radio que j'ai faite. Il y a aussi les artistes en scène avec une personne que tu connais, qui est Catherine Lacoste. Ah oui, Catherine Lacoste, ouais, d'accord. Donc, on lui fait un petit coucou. Un petit coucou à Catherine. On entendra sur le podcast. Voilà, c'est une belle aventure, et comme je disais, j'ai pu rencontrer depuis le départ de magnifiques personnes, que ce soit en matière de musiciens, d'artistes, et puis après au niveau des radios, et puis au niveau du public, et puis aujourd'hui il y a des rencontres un petit peu différentes qui commencent à arriver, parce que je construis petit à petit, et puis Voilà, il y a des belles choses qui doivent arriver, j'espère, oui, d'ici la fin de l'année. Donc là, par contre, je peux rien parler parce que... Non. Voilà. Regardons pas. Voilà. Non, mais je préfère devancer. Je ne vais rien dire parce que rien ne fait et que voilà, ce sont juste des projets. Oui. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il y a le premier album qui est... a rencontré ce qu'il devait rencontrer, son oui. public. Le deuxième album, il est là pour le conforter. Et ce deuxième album, je veux dire, tu vas le sortir quand Alors, je pense qu'il faut laisser un petit peu peut-être mûrir ce premier album qui est tout alors, récent. À savoir une chose, c'est qu'au niveau des singles, les quatre singles qui devaient sortir sont sortis. Normalement, ouais. déjà à la base, il n'y en avait que deux qui devaient sortir. Simplement, c'est qu'il y a eu un vote du public parce qu'on était incapable de pouvoir choisir quel titre devait sortir. Et il y a eu quatre ex-aequo en première place, sachant que les autres titres avaient été à un point d'écart. Donc on était un petit peu coincé par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'il avait été décidé de sortir 4 singles sur donc l'album tout simplement. Simplement ouais, en ce qui concerne l'album à tout cœur, ça se décide ce week-end. D'accord. Donc là, je ne peux rien dire. Ok, non, bah je te demanderai pas. Dommage. Voilà. Donc on a parlé bien sûr des concerts, tout ça. Mmh. Hein, voilà, préparation, finalisation de l'album. Alors les deux concerts, donc Essonne et voilà. Dans les Hauts-de-France. Donc ça va être deux, je peux me permettre de dire que ça oui. va être deux magnifiques concerts parce qu'il y a une équipe qui est derrière, qui est juste sensationnelle. Mmh. Que ce soit la réalisation, que ce soit l'éclairage, que ce soit aux effets spéciaux. Oui, j'ai dit effets spéciaux. Ah, ça c'est bien ça. Ah. Bah, il faut aussi, voilà. Que ce soit des surprises, et il y en oui. a des surprises. Voilà, donc ça va être juste quelque chose. Je suis en train d'être enregistré pour réécouter. Il faut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est Michel, là. Donc, elle essaye de capter voilà. peut-être encore une autre. Non, il n'y aura pas d'autres infos. Donc, non, ça va être quelque chose. Ça va être franchement un très très beau concert. Ouais. Tout est fait pour que ce soit un très très beau concert. Que ce soit Géraldine, que ce soit le guitariste, que ce soit Manuela Monsigny qui va faire les chœurs et qui va partager effectivement une chanson avec moi. Oui. Que ce soit l'ingénieur du son et lumière. Tout est mis en œuvre de chacun des chaque côté, chacun de son côté. Oui, effectivement, en se regroupant, tout est fait pour que les gens puissent sortir avec des étoiles dans les yeux, voilà, ouais, beaucoup c'est... de choses dans le cœur et surtout beaucoup de souvenirs avec une seule envie, c'est de revenir au prochain. Revenir au prochain, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est là que tout à fait. Ouais. Et puis bon, Anne-Michel sera pas très loin, je veux dire, pour le concert dans les Hauts-de-France. Voilà, donc. Sera présente, Anne-Michel. Oui. Oui. Carole, fait un peu loin. Ça fait un peu loin, hein, oui. Depuis la Moselle, ouais. Voilà. Et on pourrait peut-être faire un bus, à la limite. Pourquoi non, pourquoi hein, parce pas, que bon. C'est possible, je peux même l'organiser, il n'y a pas de souci. Parce que nous, bon, on n'est pas trop loin, enfin, Moselle, oui. Moselle-Vosges, hein, voilà, bon, on ne sait jamais, des fois, réunir. Il y a un petit covoiturage. Un petit covoiturage, et hop, et on monte à Lille. Voilà, Loni, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de tes projets, de ta carrière, de ton univers musical. On a fait le tour. Il y a tellement de choses. C'est sûr que des fois, il faudrait un petit peu plus de temps. Non, mais voilà, c'est. Et puis, il faut qu'on réécoute encore une chanson quand même. Ah oui. c'est vrai que moi, la chose que je retiens aujourd'hui, c'est la même. Merveilleuse histoire qu'il y a avec le public, avec les médias aussi. Bien sûr. Pour lequel, derrière, voilà, y a un super échange. Y a aussi de très belles rencontres artistiques. Je peux citer les noms. Il y a sur des chanteurs suisses, entre autres, il y a Isa, il y a Julien. En France, il y a Julien Thibault. Voilà, ce sont des personnes qui aussi se lance. Oui. Et l'avantage, c'est qu'on se serre tous les coudes. Bien sûr. Ça, c'est une chose importante. Et puis d'autres rencontres qui sont en train de se faire, où là, on est un petit peu plus dans le milieu, beaucoup plus médiatisé, ouais. Mais qui, voilà, ce sont des belles rencontres. Et ça permet aussi d'échanger, de pouvoir voir, de pouvoir tenir. Enfin, dire, ce sont des leçons aussi. Hein. Il faut, dans ce métier, beaucoup regarder ce qui se fait autour de soi. Mais oui. Rester vrai, rester soi-même. C'est ce que je disais, on m'a posé la question, aujourd'hui tu vas avoir tes concerts et après. Moi, après, c'est continuer, c'est déjà rester le même. Oui, bien sûr, on n'a pas changé, voilà. Parce que bon, des fois... Non, voilà, c'est rester le même, rester le même vis-à-vis de son public, le respecter comme il me respecte. Ouais. Après, il y a des choses, après, effectivement, c'est l'envie, c'est d'être produit. Oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est... l'envie, c'est effectivement, de... Le somme, enfin, le... Aujourd'hui effectivement en faisant tout, on peut pas tout bien faire, et simplement c'est que la composition, les studios, ça demande beaucoup de temps, donc j'ai envie d'avoir du temps pour pouvoir composer. Oui. Même si ça je le prends, parce que de toute façon ça, quand ça vient, hein, c'est sûr, on se met pas au piano dire tiens, j'ai composé une chanson. Je peux composer n'importe où. Aujourd'hui, on a des techniques avec les téléphones, on peut s'enregistrer, oui, j'ai des mélodies qui viennent en tête, des mots qui viennent en tête. Moi, je me suis vu écrire des chansons d'album, mais écrire une musique sur un texte qu'on m'avait donné dans le RER. Parce que c'était là, j'avais le texte et c'est venu. Donc voilà. Mmh. En général, c'est plutôt le soir. C'est le soir qui m'inspire. Ouais, pour écrire. Pas la nuit. Le problème, c'est que le soir, à partir du moment où on a les mélodies, on a tellement peur de la perdre qu'on la joue, on la rejoue, on la rejoue, on la rejoue, parce que là, on peut pas l'enregistrer la nuit. Ma femme est adorable, mais je pense que là. Oui, peut-être. Quand même. Puis mon fils, quand il dort. Oui. Je vais tout faire pour ne pas le réveiller. Pour réveiller le petit chou. Donc voilà. Mais. Ouais, non, c'est finalement la production de pouvoir connaître des salles un petit peu plus grandes, oui. de connaître une différente ambiance, puis connaître aussi d'autres artistes. Voilà, ce serait vraiment l'aboutissement de l'aboutissement. Et même si ça devait arriver, c'est jamais fini, parce qu'il y a toujours le public à conserver et le public à conquérir. Oui, bien sûr. Puis tout ça, c'est vraiment des magnifiques partages, comme tu disais, hein, toutes les connaissances, tout ça, c'est de beaux partages. Voilà. Avec la partie, tous les gens qui t'entourent, qui sont à côté de toi, etc. Et puis le public, bien sûr. Hein, voilà. Après, effectivement, quand il y a une production, après, c'est les personnes avec qui on travaille. Moi, comme j'ai dit à Géraldine Potron, moi, j'ai toujours envie de continuer à travailler avec elle, parce qu'il y a une super complicité musicale. Et je sais très bien que c'est une production. La production peut aussi avoir ses directives et de dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc c'est là où c'est un petit peu l'entre-deux, mais qui vivra verra. Et pour l'instant, il y a le deuxième album, il y a les concerts, ouais. Il y a plus de scoop, et puis l'objectif aussi, c'est pas rester que c'est sur ces deux concerts là. Je sais que j'ai la demande dans le sud de la France, et je suis on me demande beaucoup, donc c'est des choses sur lesquelles je réfléchis. Il y aura peut-être des possibilités dans l'ouest de la France. C'est en train d'être travaillé, on est en train de voir. Il y a aussi un endroit où j'aimerais beaucoup, beaucoup faire, c'est aussi la Belgique. Je commence à avoir un bon public, des Hauts-de-France et de Belgique. Donc voilà, et puis voilà, donc petit à petit. Maintenant, comme j'ai toujours fait, j'y suis allé doucement. Mais sûrement, oui. Je vais continuer comme ça. Ouais. Et puis, mais pour les auditeurs, plus pas sur la FM, mais sur les réseaux sociaux ou sur Internet, voilà, le Sud, je ne vous oublie pas, j'ai bien entendu les messages. Du côté de La Rochelle, j'ai bien entendu aussi les messages. Et puis, la Belgique, je sais que là, peut-être en train de faire la queue pour un concert, mais j'ai bien entendu aussi le message. Tout est fait et tout sera mis en ordre dans la meilleure mesure du possible. Voilà. D'accord. Alors, Lonnie, on est là aussi pour la promo de l'album. Oui. Donc, comment peut-on se procurer ton album, ton dernier album, intitulé tout simplement Comment fait-on ? Alors, comment fait-on ? Alors, il y a deux possibilités. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est via Facebook sur Angel Music Prod ou alors sur Lonnie Warner, ou en message personnel, on me pose la question et j'envoie directement le lien, parce que le lien est très long, pour commander. Oui. Sinon, m'envoyer un mail à lonnie.warner, W-A-R-N-E-R, @yahoo.com. D'accord. Voilà, il n'y a pas de ce moment-là. Donc, l'album, c'est 15€, frais de port offerts. Ok. Voilà, comme ça. Et c'est envoyé le plus rapidement possible et dédicacé. Et dédicacé, très important. Je précise, voilà. Très important. On aime bien ça, les dédicaces. Hein, il faut, enfin, je pense dédicace. Que mesdames... Oui. Ah, voilà, j'ai vu, pour avoir assisté à différentes prestations de concerts, d'artistes. Ça fait plaisir, hein, c'est que ça fait plaisir de rencontrer l'artiste aussi, quand déjà. Il a fini son concert. Oui, oui. Carole, allez-y, je vous laisse. Oui. Hein, oui. Puis de rencontrer l'artiste, avoir la petite dédicace, et puis... La petite photo aussi. Aussi. Hein, voilà, je pense que c'est sympa aussi ça. C'est clair, vrai. C'est clair. Tout à fait. Ah. Alors on va s'écouter une chanson intitulée Dans ton regard. Voilà, on écoute. Dans son regard. Dans son regard, pardon. Ouais. Je vais être fou. Son regard retrouvé, l'âme t'a pu couler. Pas peur de pouvoir t'offrir la maternité. Les rires de notre complicité. Une histoire d'amour à l'angle de l'éternité. Rien n'était facile pour te conquérir. Pour connaître une finalité. Une histoire d'amour et d'amitié. Un égarement concrétisé. Le plus beau de tes je t'aime, tu me le dis à travers lui. Le plus beau de tes idem, je le vois quand il me sourit. Le plus beau de notre totem, c'est construit en lui donnant la vie. Le plus beau de mes diadèmes, notre enfant, et toi la femme de ma vie. Dans son regard retrouver ce qui nous ressemble, et tout ce que l'on a pu écrire ensemble, de la déchirure à la passion, et même un jour vouloir porter mon nom. Souvenir des chemins parcourus pour une vie, de Blois à Canet à Paris. L'envol de notre amour sans détour, des turbulences en confiance et fait naître l'enfance. Le plus beau de tes je t'aime, tu me le dis à travers lui. Le plus beau de tes idèmes, je le vois quand il me sourit. Le plus beau de notre totem, c'est construit en lui donnant la vie. Plus beau de mes diadèmes, notre enfant, et toi la femme de ma vie. Et si un jour, dans son regard, je vois que dans le tien, il fait noir, et que notre amour n'a plus d'histoire, j'aurais franchement du mal à y croire. Et quand le jour dans son regard, tu verras que ma vie est proche du grand départ, aime-moi à travers lui, pour consoler l'âme de ta vie. Et souviens-toi que le plus beau de mes je t'aime, je te le dis à travers lui. Le plus beau de mes idèmes, tu le vois quand il te sourit. Le plus beau de notre totem, c'est construit en lui donnant la vie. Le plus beau de notre diadème est notre enfant, l'ange gardien de notre vie. Voilà, dans ton regard, je rectifie, j'ai fait une faute de frappe. Dans son regard. On va décidément, tiens. Autant on boit de l'eau. On a un titre, ça a changé. Ça, oui, titre a changé. C'est un titre, non, c'est l'animateur qui a fait une bêtise. Et voilà, oula, il est 17h30. Voilà, ma foi, Lonnie, ben, je te remercie encore d'être venu dans nos studios. Ben, merci à toi, pour, merci à la émission, régie aussi, voilà. Le super travail. Merci à Lynn de ce super contact. D'accord. Quand tu veux, Lynn, pour le Canada, je suis prêt. Elle est à l'écoute. j'ai déjà dit aussi, on va faire un bus. Bah, pas un bus, bah là, le bus, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, non, je veux dire un charter. merci à tous les auditeurs, et puis surtout, merci aussi énormément aux personnes qui sont venues, qui sont certains plus de 400 km, d'autres presque 200 km, entre autres, il y a Anne, il y a Carole, et puis aussi Monique. Monique, avec qui je pense très très fort, parce qu'elle n'a pas pu monter, mais merci à elle, ça me touche énormément. Et c'est quand il y a des moments comme ça, on se dit on a raison de continuer, et ça donne de la force pour tout ce qui reste à venir. Voilà, c'est vrai, des beaux sourires quand même, hein, derrière nous. Voilà. Bah bon, écoute, Lonnie, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, de faire ta rencontre, ta connaissance, et de connaître ton univers musical. Et ma foi, c'est quand tu veux. Et ben, avec le plus grand quand plaisir. Quand tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Et puis, avec je te plaisir. Souhaite beaucoup de bonheur. Puis, beaucoup du beau succès pour cet album. Mmh. Hein, c'est plutôt ce premier album. Et puis voilà, donc on reste en contact, bien sûr. Okay, oui. Hein, okay, oui. Sur nos pages respectives. Il n'y a pas de souci. Avec le grand plaisir. Et puis, t'es bienvenue sur le concert de. D'accord. Je te l'ai dit. Ouais, voilà. Okay. Merci beaucoup. Mes auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Voilà, 17h31. J'espère que notre invité qui était présent avec nous cet après-midi vous aura convaincu. Enfin, convaincu, je veux dire, ces chansons, donc vous auront plu. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien. Bye bye tous. Merci, Marc. T'as ouvert tes volets. À nouveau, la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail.